Permati, mon fils, tu seras pêcheur pour pêcher tes poissons. Mais j'ai remarqué que c'était les rappeurs qui mordaient à l'hameçon. Quant à ma mère, elle m'a dit d'apprendre mes leçons. Mais dans mon cahier, y'a plus de chansons que de factorisation. J'suis le rappeur fétiche, donc naturellement y'a pas de triche. Je n'ai que le rap français et je mange les MC comme tu réglises. J'suis jamais en chien de rime, appelle-moi usine de service. Je m'exprime avec le rap qui a dit crapper et c'est un crime. For my enemy, je rappe la vie, je classe mes rimes, mais j'raconte pas ma vie comme Jean-Marie. For my enemy, je fais les choses bien pour que les jaloux se mettent bien dans mon putain. For my enemy, je rappe la vie, je classe mes rimes, mais j'raconte